Ramasse les gousses, vous dites adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Ramasse les gousses, vous dites adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? La vérité blesse, comme les cartouches du peuton. À deux doigts de péter un plomb. Grandi dans un HLM, entre les cafards et la haine. Maman se bat pour ses fils, à en avoir mal au dos. Je cours après l'argent et le temps, le cœur est brosson comme mon teint. Shopping sur l'avenue Montaigne, c'est dans nos bâtiments qui caillent. J'ai des frères qui croient en moi, des autres qui font semblant, mais bon, moi je les vois. Sur mon dos, beaucoup de poids, éviter de toucher le fond. Et quand y'a embrouille, on fait feu, on s'est réglé les contentieux. Ma paire de requins, un jogging, c'est la mélodie du bon char. Le bonheur des miens et c'est tout. Je m'isole, mon tel, j'éteins. Qui j'échange devant une chaîne, ici c'est chez nous, y'a pas de ciné. 6 heures ils sont venus perquisitionner, on fait pas de simule, on est trop entier. Chez toi je suis rentré, je vois le tout, je suis ganté. Et si t'es là, tu vas finir ligoté. Si rock est glacé, mes yeux sont couleur bleu sous les glacis, bloc sous la jaquette, franc comme au poker. J'ai plus le temps à perdre pour tes tocards. T'es con, arrête de tromper dans les deux cons. Grandis dans les mauvais côtés de Paris, on commence par où? Les gueules, les terrains, les trottoirs, les teubus. Cuisine à rebut, comme le daron souvent rebout. Grâce à vous, j'irai jusqu'au bout. Et cette vie n'est qu'un combat rempli de coups. Rempli de teutrés, j'ai tellement zoné, je sais plus comment rentrer. J'ai tellement zoné, je sais plus comment rentrer. Ce que tu me racontes, j'en ai rien à cirer. C'est toi qui crèves en premier dans la série. De bas, j'aurais tout fait pour eux. De bas, j'aurais tout fait pour eux. Mais leur intérieur est pourri avec ta bande de peureux. Bah oui, j'écris, je fume, je bois. Et je me demande le bonheur coûte combien. Qui veut ma peau, qui veut mon pain? On est là pour te ramasser. J'écris, je fume, je bois. Et je me demande le bonheur coûte combien. Qui veut ma peau, qui veut mon pain? On est là pour tout ramasser, oh. Je ramasse les housses, vous dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Je ramasse les housses, vous dis adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? C'est pas vu au bon cher, c'est qu'on nous cherche. C'est coffré dans la planque, près de me harrer la taupe. C'est pas vu au bon cher, c'est qu'on nous cherche. Coffré dans la planque, près des murs, arrêt la taupe. Il ramasse les gousses, vous dit adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Je ramasse les gousses, vous dit adios. J'ai mal, mais comment le dire? J'ai mal, mais comment le dire? Tout ma vie au bon chat, c'est qu'on nous cherche. Coffré dans la planque, près des murs, arrêt la taupe. Tout ma vie au bon chat, c'est qu'on nous cherche. Je suis coffré dans la planque, près des murs, arrêt la taupe.